إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الله عز وجل من على أمة الإسلام ببعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فكان رسولا ناصحا أمينا مبلغا مؤديا حكيما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فجزاه الله عن أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه وتمام وصيته لأمته كان صلوات الله وسلامه عليه يقول الألفاظ القليلة والكلمات المعدودة وتكون مشتملة على عظيم المعاني وجوامع الدلالات بأوجز عبارة وأيسر لفظ ومن جوامع كلمه وعظيم نصحه لأمته ما جاء في سنن الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن سافت هذا الله كن يا الله Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grande faveur à la Umma de l'Islam en envoyant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'était un messager qui était sincère et qui donnait le bon conseil et qui était fiable et honnête, qui a transmis le message avec sagesse. Il a transmis le message et il a remis le dépôt que Allah lui avait confié. Il a été sincère envers la Umma et il a lutté dans le chemin d'Allah, d'une lutte véritable, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse ramener auprès de lui. Il n'y a pas un bien, excepté qu'il a indiqué à la Ummah le chemin vers ce bien. Il n'y a pas un mal, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa Ummah contre ce mal. Et donc, que Allah le récompense pour sa Ummah, de la meilleure récompense qu'il a donnée à ses prophètes pour sa Ummah. Oh Allah, envoie ton salut et ta paix sur ton prophète Muhammad et sur sa famille et sur ses compagnons. Serviteur d'Allah, parmi les exemples du bon conseil et de la sincérité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers sa Ummah et à quel point il a transmis et clarifié la religion de la façon la plus parfaite et complète, il y a l'exemple du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des mots calculés et des expressions très courtes qui sont remplies de significations immenses et de sagesse. Hein? Et dans ces petits conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec peu de lettres et peu de mots, eh bien, il donnait des conseils et des indications à la Umma qui sont remplies d'exhortations et de bien pour eux. Et l'exemple de ça, c'est dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportés par l'imam al-Tirmidhi, selon Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois, et fais suivre le péché par une bonne action, et cela l'effacera, et agis avec les gens avec un bon comportement. Donc trois indications et trois exhortations de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تأمل عبد الله هذا الحديث العظيم الذي ألفاظه قليلة وكلماته معدودة لكنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه الخير كله جمع فيه خيري الدنيا والآخرة ومن حقق هذا الحديث وأتى بمقاصده فقد تحقق له الخير من جميع أبوابه وحصل الفلاح من أوسع سبله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن جمل ثلاث معدودة إلا أنها أتت على أصول المعاملة معاملتك مع الله كيف تكون ومعاملتك مع نفسك كيف تكون ومعاملتك مع عباد الله كيف تكون عباد الله أما المعاملة مع الله جل وعلا فإن أساسها وعمود بنائها تقوى الله جل وعلا بمراقبته في السر والعلانية والغيب والشهادة أن تتقي الله حيث أينما كنت في سرك وعلانيتك في ألفاظك وأعمالك في ليلك ونهارك وفي جميع أوقاتك اتق الله حيثما كنت لأن الله جل وعلا يراك أينما تكون لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية يرى جل وعلا من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اتق الله حيثما كنت بأن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك وذلك عباد الله لا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي ولهذا فإن أحسن ما حدث به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سيرفيتور الله Serviteur d'Allah, ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces mots sont peu nombreux et c'est une parole courte, mais il y a dans cette parole tout le bien et elle réunit le bien de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Celui qui a réalisé la signification de ce hadith et qui vient avec les objectifs qui ont été voulus par ce hadith, eh bien, il réalise et il concrétise tout le bien et tous les aspects du bien. Crains Allah où que tu sois et fais suivre le péché par une bonne action et cela l'effacera. Et agis avec les gens avec un bon comportement. Trois phrases. Mais ces trois phrases, même si elles sont courtes, elles réunissent toutes les interactions que tu peux avoir avec les autres hommes et les créatures. Premièrement, ton interaction et ton comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, comment ton comportement doit être envers ton créateur. Ensuite, comment ton comportement doit être avec toi-même et envers toi-même. Et ensuite, ton comportement avec les autres parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, serviteur d'Allah, sachez que le comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base, c'est le fondement de la construction et du bâtiment de la foi. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe taqwallah, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. De savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde et nous surveille, que ce soit en secret ou que ce soit devant les gens, que ce soit dans l'invisible ou que ce soit dans ce qui est visible, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Dans ton secret, comme dans ce qui est divulgué, dans tes paroles, dans tes actions, dans ta nuit, dans ton jour et dans tous les moments de ta journée. Crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois, car Allah subhanahu wa ta'ala te voit et rien n'est caché pour lui, rien ne lui échappe, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, que ce soit parmi les choses qui sont invisibles ou visibles. Parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'invisible est comparable au visible. Et le secret est comparable à ce qui est divulgué. Rien ne lui échappe. Il voit à partir du haut des sept cieux la fourmi noire dans une nuit noire sur un rocher noir. Et il voit le sang qui circule dans tes veines. Et il voit chaque petite partie, parce que sa science a enveloppé toute chose. Et il a calculé toute chose et a dénombré chaque chose. Et donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois, ça signifie que tu places entre toi-même et entre ce que tu crains de la colère et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala une protection. Tu mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection. Et cette protection, c'est quoi? C'est le fait de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne et de délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et c'est pour cette raison que la meilleure définition de la piété ou de la taqwa, c'est celle qu'on retrouve dans la parole de Talq ibn Habib, rahimahullah. Et il a expliqué la piété ou la taqwa en disant les paroles suivantes. Il dit, taqwa Allah, ça signifie que tu agisses selon l'obéissance d'Allah, avec une science qui vient d'Allah, et en espérant la récompense d'Allah. Et c'est également de délaisser la désobéissance d'Allah, en se basant sur une science venant d'Allah, et en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah, لَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُ مَهْمَا اشْتَدَّ حِرْصُهُ وَعَظَمَتْ رَغْبَتُهُ عَلَى تَحْقِيقِ التَّقْوَى لا بد مع ذلك من الوقوع في بعض الذنوب والخطايا فقد قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولما كان شأن المؤمن كذلك قال صلى الله عليه وسلم ناصحا وأتبع السيئة الحسنة تمحها فانظر إلى هذا الفضل العظيم والإنعام الكريم من الرب الخالق الجليل فإن الحسنات ماحية للسيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها وهذا هو معنى قول الله تعالى في القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ فقال لجميع أمتي كلهم فإتباع السيئة الحسنة تمحوها وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا وجزيل إنعامه ولهذا فإن العبد المؤمن حري به أن يكون مكثرا من الحسنات ومواظبا على الطاعات مجدا في القربات لأنها بإذن الله تذهب السيئات. Serviteur d'Allah, Étant donné que le croyant, peu importe l'effort qu'il fait, et peu importe la grandeur de son désir de réaliser la piété et sa signification, eh bien, c'est inévitable qu'il va tomber dans certains péchés et dans certaines fautes. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam font des fautes, et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawwabun. Et donc, le croyant, il doit faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans ce hadith, de faire suivre les péchés par des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres vont effacer les péchés qu'il a faits. Et donc, regarde cette grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le créateur de toutes choses. Il fait partir les péchés par les bonnes œuvres que tu fais et il les efface. Et donc, fais suivre les péchés que tu fais par des bonnes œuvres pour que tes bonnes œuvres effacent tes péchés. Et c'est là la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qui signifie et établit la salat aux extrémités de la journée et aux heures de la nuit. Les bonnes œuvres font certes effacer les péchés, et il y a dans cela un rappel pour ceux qui se souviennent. Et il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qu'un homme a donner un baiser ou à embrasser une femme, hein, une femme qui n'était pas sa femme. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'il avait commis ce péché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, établit la salat aux extrémités de la journée et aux heures de la nuit, les bonnes œuvres effacent les péchés. Et donc l'homme a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que ce verset est révélé pour moi seulement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pour toute ma umma. C'est pour toute ma umma. Et donc de faire suivre les bonnes œuvres. Lorsqu'on fait un péché, on le fait suivre par des bonnes œuvres, par des bonnes actions. Et cela efface les péchés qu'on a faits. Et donc, ça c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de bien, qui fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ses nombreuses grâces pour ses serviteurs. Et c'est pour cela que le croyant, il doit constamment faire des bonnes œuvres et rester constant dans la pratique de ses bonnes œuvres et être sérieux dans tout ce qui rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces bonnes œuvres qu'il fait, par la permission d'Allah, vont effacer les péchés qu'il a commis. وأعظم الحسنات عباد الله الماحية للسيئات حسنة التوبة فإن التوبة عباد الله حسنة عظيمة وطاعة جليلة والتوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه ومهما عظم الذنب وكبرت الخطيئة فإن من تاب تاب الله عليه يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله وأنيبوا إليه سبحانه يغفر الذنب مهما عظم فهو جل وعلا لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل وعلا فهو تواب رحيم واسع كريم محسن جواد جل شأنه عظم اسمه سبحانه وتعالى serviteur d'Allah, parmi les meilleures, parmi les plus grandes des bonnes actions que tu peux faire, il y a parmi les meilleures bonnes actions qui effacent les péchés, il y a la repentance. Et la repentance, ô serviteur d'Allah, est une parmi les meilleures et les plus grandes adorations et obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette repentance, elle efface tout ce qui est venu auparavant comme péché. Celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala revient vers lui et accepte sa repentance, peu importe la grandeur de son péché, peu importe la grandeur du crime qu'il a commis. Parce que celui qui se repent à Allah et qui revient à Allah repentant, Allah subhanahu wa ta'ala revient vers lui et accepte sa repentance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie dans le Coran, dit, ô mon serviteur qui a commis des excès contre son âme, ne perds pas espoir en la miséricorde d'Allah. Allah certes pardonne tous les péchés. Et lorsqu'il dit, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire, repentez-vous à Allah, revenez vers Allah repentant, car il pardonne tous les péchés, peu importe la grandeur, peu importe la grandeur de péché. Il n'y a pas un péché qui est tellement grand ou trop grand pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un besoin que tu as et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui serait trop grand pour que tu puisses le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala revient vers celui qui devient repentant et accepte sa repentance. Il est miséricordieux et généreux et large dans sa générosité. Et il fait le bien et il donne. Et ses noms sont grands. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha ibadallah. العناية بالحسنات أمر عظيم ومطلب جليل ليكون مذهبا للسيئات رافعا للدرجات معليا للعبد مكانته في الدنيا والآخرة والحسنات عباد الله مطهرة للعبد من أدرانه وأقذاره وأوساخه وتطهره وتنقيه بإذن الله يقول العلامة ابن القيم رحمه الله إن في الدنيا ثلاثة أنهار قد تطهر بها من تطهر بها طهرته وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة فمن تطهر بها في الدنيا طهرته وإلا فإن الله يطهره يوم القيامة بنهر جهنم نسأل الله لنا ولكم العافية. Serviteur d'Allah, serviteur d'Allah, de faire des bonnes œuvres et de faire suivre nos péchés par des bonnes œuvres, c'est quelque chose de très grand. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala efface par ses bonnes œuvres les péchés qu'on a commis et élève nos degrés, élève le degré du serviteur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et les bonnes œuvres, ô serviteur d'Allah, font partie des choses qui purifient le serviteur de toutes les saletés, de toutes les impuretés. Et elle purifie le serviteur par la permission d'Allah, comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il explique qu'il y a dans cette vie d'ici-bas trois rivières par lesquelles le serviteur se purifie. Et la première, c'est les bonnes œuvres que tu fais et qui effacent tes péchés. La deuxième, c'est la repentance sincère, lorsque tu cesses de faire le péché. Lorsque tu as la ferme détermination de ne plus le refaire et que tu as des remords d'avoir commis ce péché, hein, ou que tu, et également si tu as commis un péché envers quelqu'un d'autre, eh bien tu répares ce que tu as commis comme péché. Ça, c'est les conditions de la repentance. Et une autre des rivières qu'il a mentionné, c'est les épreuves et les malheurs qui nous atteignent et qui font que nos péchés sont effacés. Lorsque ces malheurs nous touchent. Et donc celui qui est purifié dans cette vie d'ici-bas par ces exemples et par ces choses-là, eh bien, il sera purifié dans l'au-delà parce qu'est-ce qu'il a subi et qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action dans cette vie et par sa repentance. Toutefois, s'il n'a pas été purifié par ces choses dans cette vie d'ici-bas, il sera purifié dans le feu de l'enfer au jour de la résurrection. On demande à Allah pour nous-mêmes et pour vous-mêmes qu'il nous épargne. Ibad Allah, wa fi hadha al-hadith, hadith Mu'adh radiyallahu anhu, bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'amala bayna an-nas, kayfa takun? Fa qala alayhi as-salatu was-salam, wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan, ay amilhum bil-mu'amalati at-tayyibah wal-adab ar-rafi', wal-khuluq al-karim, wa dabitu dhalika ibad Allah الجامع له أن تعامل الناس بالشيء الذي تحب أن يعاملوك به. وأن تأتي إليهم وأن تأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك. فهذا جماع حسن الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء عنه في حديث آخر أنه قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فانظر إلى المعاملة التي تريدها لنفسك والخلق الذي تريد أن تعامل به، فعامل به الآخرين، فإن هذا هو جماع حسن الخلق. ليس منا من يرضى أن يعامل بالفظاظة والغلظة والألفاظ الشديدة، وليس منا من يرضى أن يعامل بالغش والخيانة والخديعة، وليس منا من يرضى أن يعامل بالكذب والتدليس ونحو ذلك. فحسن الخلق عباد الله أن لا ترضى للناس الشيء الذي لا ترضاه لنفسك، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. Serviteur d'Allah, il y a également dans ce hadith les explications du comportement qu'on doit avoir envers les hommes, envers tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et agis avec les gens avec un bon comportement, comporte-toi avec eux d'une bonne manière. Et c'est-à-dire que tu dois agir avec les gens avec un bon comportement et des manières élevées, des manières élevées. Et un bon comportement, un comportement noble. Et la règle de ça, c'est que tu agisses avec les gens de la manière que tu voudrais qu'ils agissent envers toi. Et que tu leur amènes ce que tu voudrais que les gens amènent également. Donc, le bon comportement, qu'est-ce qui comprend tout ce qui a rapport avec le bon comportement? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a dit que nul n'est croyant tant qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il a mentionné également dans un autre hadith que celui qui vient avec les gens, c'est-à-dire celui qui veut que les gens le traitent bien, et bien qu'il agisse également de la même façon envers les gens. Tu veux que les gens te traitent correctement, et bien toi de ton côté agis avec eux correctement aussi. Et donc regarde quel comportement tu voudrais que les gens aient envers toi. Quel comportement tu voudrais que les gens aient envers toi, et agis de cette manière avec les autres, et c'est de cette manière que les gens te traiteront correctement. Et donc c'est ce qui réunit la signification du bon comportement. Et il n'y a personne d'entre nous qui aime se faire traiter avec dureté, avec rudesse, avec des paroles dures. Et personne d'entre nous n'accepte ou n'agrée qu'on agisse avec lui par tricherie ou trahison. Personne d'entre nous n'accepte ou n'agrée de se faire mentir ou de se faire tromper par les gens. Et donc le bon comportement, serviteur d'Allah, c'est que tu agisses envers les gens et que tu agrées pour les gens ce que tu agrées pour toi-même, et que tu aimes pour eux ce que tu aimes pour toi-même. Ibadallah, وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة أحاسنهم خلقا كما ثبت ذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. Serviteur d'Allah, sachez que la personne qui sera le plus près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en degré au jour de la résurrection seront ceux qui auront le meilleur comportement, comme cela a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé que pour compléter le plus noble des comportements. Et il a dit également dans un autre hadith: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui agit le mieux et qui est le meilleur envers sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous envers sa famille. Et les hadiths à ce sujet sont très nombreux. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم ولما قال رجل لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له رجل اتق الله قال لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها وخير ما تعمر به في هذه الدنيا في هذه الحياة تقوى الله جل وعلا وخير زاد يتزود به العبد ليوم القيامة ليوم المعاد هو تقوى الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سافتاد الله ساشيك لابيتد الله c'est le commandement d'Allah qu'il a donné au premier des hommes jusqu'au dernier d'entre eux parmi ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie dans le Coran. Et nous avons certes donné comme conseil ou comme ordre à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah, c'est-à-dire d'avoir la piété et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de sa désobéissance. Et donc ça c'est le commandement qu'il a donné. Et c'est le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa ummah. Et c'est également le conseil et le commandement que nos pieux prédécesseurs se sont donnés les uns aux autres. Et également, on a l'exemple de l'homme qui est venu voir Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et il lui a dit, crée Allah, c'est-à-dire, sois pieux envers Allah. Et donc, Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu en disant, il n'y a aucun bien en nous, il n'y a aucun bien en vous si vous ne le dites pas. Et il n'y a aucun bien en nous si nous ne l'acceptons pas. Et donc, la meilleure chose par laquelle tu peux remplir ta vie, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété que tu peux avoir envers Allah. Et c'est la meilleure provision par laquelle tu peux te préparer pour le jour de la résurrection, c'est-à-dire de craindre Allah et d'avoir la piété. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, faites vos provisions, car la meilleure des provisions que vous pouvez faire, c'est la piété, at-taqwa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة Les pieds avec les pieds, les talons avec les talons, les épaules avec les épaules, pour mettre vos reins droits. Ne laissez pas d'espace entre vos pieds, entre vous. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين